Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guébouzeau, anciennement Radio Trait d'Union. Ben oui, parce qu'au départ, on se voulait un trait d'union entre les auditeurs et les animateurs. Et puis, bon, ben voilà. Alors, au programme de ce soir, eh bien, évidemment, le calendrier des esclavages et des libérations. Et puis, Clément Viktorovitch nous parlera du « Quoi qu'il en coûte ». Ensuite, France Insoumise, le drapeau européen, ce que pense la France Insoumise de l'utilisation du drapeau européen et de ce drapeau, du drapeau lui-même, comment et pourquoi il a été constitué, etc. Mathilde Panot, Monsieur le Premier ministre, excusez-vous, dit-elle. Eh oui, mais Mathilde, elle est hein, directe. Jean-Luc Mélenchon, la France s'enfonce dans la pauvreté. Alors, par exemple, bloquant les prix. Hein. Ensuite, le média, reprise économique, chiffrée, bidonnée la Macronie. Voilà. Ensuite, Mathilde Panot, le nucléaire, Coluche, le chômage et la politique. Jean-Luc Mélenchon, passe vaccinal, le chaos et la pagaille. Et puis une petite revue de presse. Voilà. Et puis ce sera tout pour ce soir. Ah. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java, c'est la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est, et quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le... gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa, un solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste. Quand le jazz est, et quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la pastille et noircie à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomen, la java dit gom. Mais quand le jazz est, et quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gomen. Gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo, yeah. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Le calendrier des esclavages et libérations, 17 janvier. Eh oui, on est déjà le 17 janvier. 17 janvier 2022. Alors que s'est-il passé le 17 janvier? Eh bien, par exemple, en 1851, en France, Montalembert à la Chambre des députés. Deux points, ouvrons les guillemets, c'est lui qui parle. Il y en a en France, il y a en France deux armées. Elles ont chacune 30 000 à 40 000 hommes. C'est l'armée des instituteurs et l'armée des curés. Ah oui. 1905, Allemagne, lors d'une deuxième rencontre de délégués, la grève générale est déclenchée dans les mines de la Ruhr. Elle durera trois semaines. Environ 200 000 travailleurs y participeront. Elle aboutira à un compromis discutable. 1906, Allemagne, première grève générale politique. Des ouvriers allemands à Hambourg, ils protestent contre le projet de limitation du droit de vote. 1911, France. Les vignerons champenois rassemblés pour le Tocsin, par le Tocsin, mettent à sac la maison d'Achille Perrier à Damery. 50 000 bouteilles de champagne sont cassées à coups de briques. Rendez compte un peu, 50 000 bouteilles de champagne sont cassées à coups de briques. Oh. 1917, Danemark. À Copenhague, se tient une conférence socialiste pour la Norvège, la Suède, la Hollande et le Danemark. 1952, Tunisie. Émeute sanglante à Bizerte et Ferryville. 1961, Zaïre. Au cours de son transfert au Katanga, Patrice Lumumba, premier héros national du Congo, est assassiné. Par qui? Dans quel but? Au profit de qui? 1976, Brésil. À 13h, dans une prison de la 2e armée, José Panoy Fiel Filho, ouvrier métallurgiste, membre du PC, succombe sous la torture. 1978, Bolivie. À la suite des grèves de la faim, une amnistie générale est accordée. La vie politique et syndicale peut reprendre. 1981, Philippines. Le président Marcos lève l'état de siège en vigueur depuis 1972. Mais les violations des droits de l'homme ne disparaissent pas, notamment dans le sud où la rébellion musulmane se développe. 1983, Nigeria. Suite aux difficultés économiques, le gouvernement décide l'expulsion d'un million d'immigrés clandestins. Tous les étrangers en situation irrégulière ont 15 jours pour quitter le pays. Un exode de misère commence par terre et par mer vers le Bénin, le Togo et le Ghana. Alors mon calendrier des esclavages et des libérations se termine en 1983, parce qu'il se termine comme ça sur le livre que j'ai en main là. Mais heureusement, pour les avantages et malheureusement pour les inconvénients, ça a continué jusqu'à 2022 et ça continuera encore sans doute, hein, qu'il y aura des esclavages et des libérations. Oui. Alors à nous d'agir, notamment en votant, notamment, hein, oui, ne pas oublier qu'on a des droits, hein, et qu'il faut s'en servir parce que après, ben, on n'a plus d'excuses. Les Allemands qui ont voté pour Hitler en 1933, la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui l'ont sur la conscience. Eh oui, ben oui. Donc il faut réfléchir avant de mettre un bout de papier dans une boîte en verre, hein, avant de voter. Il faut bien, bien réfléchir aux conséquences de son vote. El ejército del Ebro rum balum balum balum, el ejército del Ebro rum balum balum balum. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y la sopa sin vasola rum balum balum balum, y la sopa sin vasola rum balum balum balum. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba, rumba. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba bam. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras rumba la rumba la rumba bam. Y a las tropas invasoras rumba la rumba la rumba. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba bam. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba bam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Décryptage avec vous, Clément, des discours, des expressions qui font l'actualité. Et pour cette première, ce soir, vous nous parlez de la fin du quoi qu'il en coûte. Et absolument. Vous savez, quand vous êtes au gouvernement, il ne suffit pas de prendre des décisions. Encore faut-il parvenir à les rendre acceptables. Or, comment faire pour faire accepter une mesure difficile? Par exemple, la diminution des aides aux entreprises. Eh bien, c'est simple. Vous travaillez votre rhétorique. Aujourd'hui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, recevait les représentants des secteurs économiques encore frappés par la crise sanitaire afin de leur présenter le nouveau dispositif d'accompagnement. Mais les éléments de langage, eux, étaient prêts depuis plusieurs jours. Écoutez ce qu'il disait le 25 août dernier à l'occasion des journées d'été du MEDEF. Maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, je le dis, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Nous sommes passés aux sur-mesures, nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin. Alors, vous l'entendez, hein, nous sommes passés du « quoi qu'il en coûte » au « sur mesure ». Et il est intéressant ce mot « sur mesure » parce que on aurait pu en choisir bien d'autres. Habituellement, on a plutôt l'habitude d'entendre parler de dispositifs au cas par cas. Mais cela implique que certains cas vont être laissés de côté, ou encore de « mesures ciblées ». Mais cela laisse entendre que certaines situations seront en dehors de la cible. Tandis qu'un dispositif sur mesure, nous avons l'impression que tous les besoins seront couverts. En rhétorique, on dit que les connotations des termes sont uniformément positives. Ça veut dire que c'est finement joué? Eh bien, c'est même plus que ça. Écoutez ce que Bruno Le Maire disait ce matin chez nos confrères de France Inter. Son discours avait déjà subtilement évolué. C'est ce que nous allons travailler ce matin avec le secteur de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration pour passer d'un dispositif général et forfaitaire à un dispositif sur mesure. Alors bon, vous voyez, on retrouve les aides sur mesure, mais elles ne succèdent plus au quoi qu'il en coûte. Elles viennent simplement remplacer un dispositif général et forfaitaire. Cette expression, Bruno Le Maire ne l'employait jamais auparavant, et pour cause, elle est technique, elle est froide, elle est rebutante, et par contraste, elle ferait presque passer le sur mesure pour une avancée. Est-ce que c'est si stratégique? Il n'y a pas de hasard là-dedans? Ça pourrait, mais non, il n'y a pas de hasard. Bruno Le Maire a employé cette expression à deux reprises dans la même interview. Il l'a réutilisée ensuite en conférence de presse et cela dépasse même le ministre de l'économie. Écoutez ce que disait ce matin Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, sur notre antenne. On va faire du sur-mesure. Les mesures générales vont continuer sur certaines mesures transversales, mais on est dans une période de reprise. Alors, le sur-mesure qui prend la suite d'un dispositif général, c'est donc bien l'élément de langage avec lequel le gouvernement communique en cette rentrée. Et ça, c'est du sur-mesure aussi, c'est bien ficelé, mais ça reste de la communication. Oui, bien sûr, ça reste de la communication, mais vous savez, il n'y a rien de moins anodin que le pouvoir de nommer les choses. Prenez le fameux « quoi qu'il en coûte ». Quand le président de la République a prononcé cette phrase, nous pouvions nous dire que personne ne serait laissé de côté. Effectivement, l'économie française a été soutenue à bout de bras. Mais souvenez-vous, à l'hiver 2020, nous nous étions rendus compte que de nombreux étudiants, par exemple, étaient restés en grande difficulté. Aujourd'hui, Bruno Le Maire nous promet du « sur-mesure ». Alors en apparence, difficile d'y être opposé. Mais il nous explique également que l'objectif, c'est en définitive de réduire la dépense publique. Les entreprises qui en ont besoin seront-elles alors suffisamment soutenues? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en attendant, restons vigilants. Et souvenons-nous qu'en politique, ce qui compte, ce sont les décisions. Les noms, eux, ne sont qu'une illusion. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Oh, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. C'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays grâce à eux je sais qui je suis. Oh Nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays, c'est avec eux que j'ai compris. Au Nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs. Les hommes, des mineurs de fond. Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 1er janvier 2022, j'étais l'invité de LCI pour un débat qui portait sur deux choses. D'abord, la Légion d'honneur pour Agnès Buzyn, et ensuite, le débat sur le drapeau européen, sur l'Arc de Triomphe. Alors j'ai décidé de vous séparer en deux cette émission, de publier d'abord le débat sur le drapeau européen pour avoir une vidéo en bloc sur ce sujet, et parce que c'est le sujet du moment et que je voulais que ça sorte un peu plus rapidement. Et puis je vous publierai un peu plus tard dans la journée le débat sur la Légion d'honneur pour Agnès Buzyn. Vous allez le voir, dans un cas comme dans l'autre, je n'ai pas mâché mes mots. Je vous laisse regarder cette émission donc sur le drapeau européen, et comme toujours, je vous retrouve à la fin. L'autre polémique du jour, et là vos points de vue se sont opposés, la France insoumise et la République en marche de manière très marquée, c'est le drapeau européen qui flotte sous l'Arc de Triomphe. On l'a vu hier dans la déclaration du président de la République, puis tout au long de la soirée, c'est un événement marquant, on peut voir l'image, emblème de la présidence française de l'Union ce semestre. Antoine Léaumont, votre tweet, vous avez réagi là-dessus, j'aimerais qu'on voit votre tweet. Personnellement, je préférerais qu'on enlève cette horreur, dites-vous, et qu'on le remette, le drapeau de la patrie. Et le tweet a d'autant plus marqué que vous retweetez en le commentant le tweet de Valérie Pécresse qui elle-même... proposait de mettre les deux. Pardon ? Qui proposait de mettre les deux côte à côte. Voilà, exactement. Expliquez d'abord votre point de vue parce qu'il y a eu beaucoup évidemment de réactions critiques, parfois même choquées contre vous, en disant vous retweetez Madame Pécresse, à qui beaucoup reprochent d'avoir été dans la roue de Madame Le Pen et de Monsieur Zemmour. Alors, si j'ai deux minutes pour l'expliquer complètement, parce qu'il faut commencer déjà, que je puisse le dire. Votre vis-à-vis vous répondra. D'abord, premier problème avec ce drapeau européen, le peuple français a voté non avec le TCE en 2005. Il était contenu dans le traité constitutionnel européen à l'article 1-8 très précisément. Le peuple français a voté non, et lors du vote sur le traité de Lisbonne au Parlement français, il a été retiré les symboles de l'Union européenne, donc le peuple français a voté non à ce symbole-là. Premier problème. Deuxième problème, et c'est un problème plus profond, le drapeau européen est un symbole religieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son créateur, Arsène Haitz, qui dit, je vous cite ce qu'il disait dans une revue catholique. C'est un symbole marial. J'ai eu subitement l'idée de mettre les 12 étoiles de la médaille miraculeuse de la rue du Bac sur fond bleu, couleur de la Sainte Vierge, et mon projet fut adopté à l'unanimité le 8 décembre 1955, fête de l'Immaculée Conception. C'est donc un symbole religieux qui pose un problème pour les Français qui défendent la laïcité. Qu'on ait chaque point de vue et la réponse. Après, vous irez. Tricolore. Oui, mais attendez quand même là-dessus, symbole religieux. Symbole religieux. Écoutez, déjà, ce débat est complètement effarant. Alors, l'argument l'est encore plus. Vous avez du mal à dire que le drapeau européen. C'était en 1989. Peut-être, mais enfin. France, non mais s'il vous plaît, la France prend la présidence de l'Union européenne, ça n'est pas arrivé depuis 13 ans. Nous sommes fiers, nous affichons ce drapeau, nous l'avons éclairé sur la Tour Eiffel qui est magnifique. Mais je ne vois pas qui ça peut choquer à part les populistes et les extrêmes. L'extrême gauche dont vous faites partie, la France insoumise, et l'extrême droite. Et Valérie Pécresse qui est à la roue de l'extrême droite. Vous n'êtes pas choqué par le fait qu'un drapeau contre le peuple français a voté contre lequel le peuple français au contraire ont trouvé cet éclairage et cet affichage extrêmement beau. Et je vais vous dire, le drapeau européen, c'est aussi le drapeau de la paix. Et il fait honneur aussi à tous les combattants qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la construction européenne n'en est que... Ça n'est pas une question de beauté, c'est une question de principe. Je ne dis pas qu'il est beau ou qu'il n'est pas beau. Je m'en fiche de savoir s'il est bleu avec des étoiles d'or, puisque c'était ça le symbole de l'Union européenne. Vous êtes en train de partir sur un débat sur la laïcité, ça n'a rien à voir. Bien sûr, mais excusez-moi, c'est quand même un énorme problème qu'un symbole qui est un symbole religieux serve de symbole pour le peuple européen, alors même qu'en plus, le peuple français a voté contre. Mais par ailleurs, je veux dire pourquoi je défends le drapeau tricolore et pourquoi ça fait une grosse différence avec ce que disent Monsieur Zemmour et ce que dit Madame Le Pen, parce que on m'a fait le reproche à moi d'aller sur les mêmes rapports que Monsieur Zemmour et que Madame Le Pen. Ce drapeau tricolore, il naît au moment de la Révolution française. C'est un symbole qui met au milieu la couleur des rois, le blanc, encadré par le peuple. C'est-à-dire, c'est une défense de la souveraineté du peuple. Et je veux dire, pour aller jusqu'au bout, que cette souveraineté du peuple s'accomplit à la fin avec la Première République qui naît le 21 septembre 1792 après la victoire de Valmy où nous avons chargé au cri de vive la nation. Je vais juste Inconnu, c'était pas Valmy. Aller jusqu'au bout de ça pour vous dire pourquoi c'est contradictoire vis-à-vis de l'extrême droite. La Constitution de 93 lit le droit à la citoyenneté à la chose suivante. Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli. Tout étranger, et c'est là que ça devient intéressant. Tout étranger âgé de 21 ans accompli, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, acquiert une propriété, épouse une Française, adopte un enfant, nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyens de français. On voit que le code de la nationalité tel qu'il est créé à l'origine même, au moment où naît le drapeau français, au moment où naît la Marseillaise, au moment où naît la devise liberté, égalité, fraternité, au moment où naissent les mots patriote et nation, est directement lié à l'identité républicaine. Mais aujourd'hui, 2022, pas nier que l'Europe est plutôt un facteur de paix et que ça évite plutôt que les Allemands et les Français se battent. Allez dire ça aux homosexuels en Pollogne, par exemple. Allez dire ça aux homosexuels. L'Europe fait pression pour eux. L'Europe fait pression, mais elle ne fait pas suffisamment pression. Allez dire ça aux gens qui étaient à la frontière. L'Europe se bat vraiment pour les minorités. Et l'Europe est en train d'augmenter sans arrêt les tensions. L'Europe est en train d'augmenter sans arrêt les tensions avec la Russie. Elle est en train de se mettre dans le jeu de l'OTAN. Vous avez décidé de prendre la présidence française de l'Union européenne alors même que nous sommes dans une année d'élection. Vous savez très bien que vous faites ça pour vous servir de la présidence française de l'Union européenne à l'intérieur de l'élection présidentielle. C'était prévu depuis bien plus longtemps que cela. Oui, mais il a été proposé que ça soit reporté. J'assume ma vision de l'Europe. Je suis opposé à cette Union européenne. Ne convoquez pas des arguments. Merci aux uns et aux autres, monsieur l'officier de la Légion d'honneur. Vous avez un sur le revers, mais c'est le triangle rouge des communistes. Tout à fait. C'était un triangle qui était porté par les ouvriers pour dire 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Et aujourd'hui encore, nous sommes ceux qui défendent la diminution du temps de travail. Voilà. Chacun a son revers. Vous avez l'insigne de la DPC, la représentation nationale. Pour en parler, l'Union européenne, durée maximum du travail, 48 heures actuellement encore. C'est bien l'Union européenne qui protège. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a intéressé, vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Et puis comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'aide beaucoup, je les lis et je les trouve toujours très intéressants. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Y'en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Y'en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade la culotte en l'air. À les entendre, on croirait bien qu'on est pinté tous les matins. En France, et la France, c'est pas du tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France, c'est aussi un pays abruti. Y'en a qui pensent que notre musique balance comme une bière de Munich, que toutes nos danseuses ont la classe, mais swing à côté de leur godasse. Y'en a qui disent qu'il y a sûrement 2-3 cafés par habitant, que nos rythmiques sont des fanfares, nos succès des chansons à voir, à les entendre. On croirait bien qu'en France il n'y a pas de musiciens. Mais voilà, j'habite en France, et la France c'est pas du tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France c'est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent, et c'est certain, que les Français se défendent bien. Toutes les femmes sont là pour le dire, on les fait mourir de plaisir à les entendre. On croirait bien qu'il y a que les Français qui font ça bien. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi. Monsieur le Premier ministre, nous vous attendions hier, ce qui aurait peut-être évité, non pas par obstruction, puisqu'il y a seulement 750 amendements à ce texte et 97 amendements pour nous, mais par votre propre responsabilité d'ouvrir une crise parlementaire telle que celle-ci. Monsieur le Premier ministre, puisque vous êtes ici maintenant, excusez-vous des propos qui ont été tenus par le président de la République. Excusez-vous des propos indignes qui ont été tenus dans une situation si grave dont vous vous prévalez tout le temps. Parce que hier, nous avions compris que, alors que nous pensions débattre de mesures sanitaires que nous trouvons mauvaises, mais peu importe, nous avons compris que nous ne sommes pas en train de débattre d'un texte avec des mesures sanitaires, mais d'une envie du président de la République d'emmerder une partie des Français. Nous avons compris que, non pas comme nous disions avant, qu'avec ce pass sanitaire ou ce pass vaccinal, vous étiez en train de créer deux catégories de citoyens, comme le pointe notamment la défenseure des droits, avec l'idée d'une partie de la population qui contrôle l'autre partie de la population, mais que vous étiez en train de créer une classe de citoyens, les vaccinés, et que tous les autres, les non-vaccinés, les sans schéma vaccinal complet, tous les autres étaient en déchéance de citoyenneté. Excusez-vous pour ces propos absolument indignes du président de la République qui ont été tenus. Excusez-vous parce que, pendant ce quinquennat, vous avez déjà qualifié les Français de rien, de feignants, de gaulois réfractaires, de ceux qui coûtent un pognon de dingue, de ceux qui doivent traverser la rue pour trouver un emploi, d'illettrés, de ceux qui doivent trouver un emploi pour se payer un costard, et j'en passe. Monsieur le Premier ministre, c'est facile pour le président de la République qui, en 5e République, est irresponsable par nature. C'est facile d'insulter les Français depuis une tour d'argent de l'Élysée sans qu'on puisse venir le chercher. Mais maintenant que vous êtes là, alors que vous avez vous-même dit hier aux questions au gouvernement qu'il fallait revenir sur une sérénité du débat, alors que Emmanuel Macron disait « l'apaisement doit toujours primer sur l'affrontement », excusez-vous parce que vous êtes en train d'aggraver une crise très grave dans notre pays, et je croyais que le président de la République avait compris qu'il devait arrêter de blesser des gens. Apparemment, il ne l'a pas fait. Et je vais vous dire ce qui est grave dans le moment que nous vivons. C'est que vous êtes en train de créer une ambiance absolument malsaine dans le pays. Parce que les non-vaccinés sont devenus les fournisseurs officiels de contre-feu pour masquer votre propre amateurisme dans la gestion de la crise financière. Ce n'est pas seulement les non-vaccinés que vous emmerdez. Vous emmerdez le peuple français tout entier lorsque vous supprimez des lits à l'hôpital public. Vous emmerdez le peuple français tout entier lorsque vous supprimez 7 900 postes dans l'enseignement. Lorsque vous supprimez les purificateurs d'air, vous refusez les FFP2 aux enseignants et aux responsables

je suis d'abord heureux de voir, en écoutant les orateurs et les oratrices qui sont succédés, que tout le monde convient ici que la France connaît une situation exceptionnelle, à rebours de son histoire au cours des 60 dernières années ou 70 dernières années, qui a été un enfoncement progressif dans la pauvreté. Le gouvernement en place n'est certainement pas le seul responsable de cette situation. C'est la pente qui a été prise dans de faire entrer toute l'économie française dans le régime de la concurrence libre et non faussée avec tout le reste de la planète, qui, en détruisant les outils de production, en détruisant les moyens de la répartition de la richesse, au profit d'une accumulation dans quelques poches, a complètement déséquilibré notre pays. Au demeurant, l'inégalité croissante est tellement violente que beaucoup de nos concitoyens qui, dans le moment, bénéficient d'une situation matérielle plus favorable, ont souvent du mal à admettre l'idée de cette pauvreté. C'est ce que je constate souvent dans les échanges que j'ai. Beaucoup de gens n'arrivent pas à croire qu'il y ait 8 millions de personnes qui relèvent de l'aide alimentaire. Et encore récemment, dans un débat à la télévision, hein, quelqu'un qui était censé rectifier les chiffres que je donnais disait « Mais non, ça n'est que 2 millions de personnes » parce qu'il se référait aux prestations de la banque alimentaire. Mais si l'on tient compte de l'ensemble des intervenants, et c'est ce qu'ont rectifié le Secours catholique et le Secours populaire, on est bien à 8 millions de personnes. Et de manière tout aussi affligeante, beaucoup de gens ne croient pas qu'il y a 300 000, entre 300 et 600 000 personnes qui subissent des coupures d'électricité. Et le phénomène a dû arriver au point tel que EDF même a décidé d'y renoncer pour toujours, compte tenu de la situation qu'ils observaient, et surtout d'un constat qu'ils ont fait, que les gens à qui on coupait l'électricité ne payaient pas mieux après, une fois qu'on leur avait coupé l'électricité ou qu'on leur avait rétabli. De même, beaucoup n'arrivent pas à croire que 12 millions de personnes ont froid dans leur appartement. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre qu'un adulte sur quatre se prive de certains repas pour ses enfants, ou tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens de se le procurer lui-même. Ce sont des situations qui maintenant, évidemment, sont le résultat de toute une série de mécanismes structurels, mais pour autant, nous ne pouvons pas nous réfugier derrière cette vision globale pour finir ne rien faire. La vérité est celle d'un état d'urgence sociale. Et j'insiste sur ce mot, car l'article 1, son objet est de rajouter le thème de l'urgence sociale, qui est donc évalué par le législateur et pas par le seul gouvernant, puisqu'aujourd'hui, l'article du Code du commerce, qui donne la possibilité d'intervenir pour décider un blocage des prix, dépend d'un décret, donc du seul exécutif. Dès lors qu'on serait en situation d'urgence sociale, le législateur a la possibilité d'intervenir. Alors, pour que chacun puisse bien apprécier la force de cet argument, bon sang, c'est déjà 3 minutes, l'article 1, le Code du commerce prévoit une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, nous y sommes. C'est le cas notamment pour les carburants, car à supposer même que le mécanisme de marché existe où que ce soit, dans les termes du marché pur et parfait, qui en définit la légitimité, ce n'est pas vrai pour l'énergie, puisque le prix de marché est établi d'après un prix de gros qui est évalué sur le plus coûtant des producteurs. Par conséquent, c'est le marché qui crée l'inflation et non pas la réalité de la marchandise disponible. Vous redoutiez la nouveauté, pardon, mais nous n'avons pas vécu dans une économie administrée jusqu'en 1986, car jusqu'en 1986, il y avait un contrôle des prix. Dans l'histoire, il est vrai, ça a toujours été lié à des circonstances exceptionnelles, et je veux le rappeler à cet instant, la Révolution en 89, Léon Blum en 1936, Michel Rocard sur les carburants en 91, Emmanuel Macron récemment sur le prix des masques et des gels hydrauliques. Voilà, je ne sais pas si la commission permet que l'orateur particulier est l'unique qui soutient ce texte et droit à quelques secondes supplémentaires, mais je ne veux pas en abuser, donc je me réinscrirai dans le moment. Simplement sur un point, entendez que ce projet intervient dans le cadre cette proposition intervient dans le cadre d'un projet global où l'urgence sociale sera appliquée, je l'espère personnellement, dans 3 mois, et que deuxièmement, le contrôle des prix dont il est question est placé avec la participation populaire, comme c'est le cas à La Réunion, où des gens sont tirés au sort pour participer au comité qui contrôle les prix. Mais pas tous les prix, bien sûr. Il ne s'agit pas de cela. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, et vêtu de soleil et noyé de bleu tendre, et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les a fait, elle et lui, comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent, des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante, un chant pur et fraternel dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas un pays sans mur et sans armure, et je vois rire une fiancée sur la plage, elle attend au soleil fou, elle court au rendez-vous, où l'amour jaillira dans un élan sauvage, comme un cri né sur la mer, comme un pain dans la lumière, où l'amour nous fondera tous les deux comme un bleu de mirage, dans la mer et dans le ciel de ma patrie. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porché, le dernier de l'année 2021. Je suis ravie de vous retrouver chaque semaine, comme d'habitude, pour comprendre, analyser, décrypter l'actualité avec Thomas Porché, surtout pendant cette période présidentielle où nous avons tant besoin de comprendre les discours qui se multiplient autour de nous chaque jour. Au programme aujourd'hui, on revient sur le record de création d'entreprises en 2021 dont se félicite Bruno Le Maire, mais qui masque en fait que ce sont en majorité des micro-entreprises, une course vers l'ubérisation. On va comprendre tout ça avec Thomas. On va également revenir sur la journée internationale des migrants. Qu'est-ce que cache ce mot tant récupéré politiquement? On analyse tout ça. Et enfin, petit détour au Chili où la grande alliance des gauches a battu l'extrême droite aux élections présidentielles. C'est l'instant Porché. Après des records en matière de création d'emplois, un nouveau record sur les créations d'entreprises. Plus de 915 000 entreprises ont été créées en 2021. On continue, se félicite Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie. À noter, ces nouvelles entreprises sont pour près de deux tiers sous le régime micro-entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Court-on vers l'ubérisation? On va voir ça. Thomas, tout d'abord, ces chiffres sont-ils une bonne nouvelle, comme l'affirme Bruno Le Maire? Il faut faire attention, parce que là, on a l'impression qu'il y a des créations d'entreprises, ce qui donne une impression de dynamisme de l'économie française. Mais quand on voit, comme tu l'as rappelé, qu'il y a deux tiers en fait, de ces créations qui sont des auto-entrepreneurs, pour moi, ça n'indique pas forcément une bonne nouvelle sur la solidité de la reprise économique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien voir que l'auto-entrepreneuriat, c'est le dernier volet de flexibilité. Je veux dire, il y a les CDD... Il y a l'intérim, il y a les stages, et puis vraiment, quand vous voulez prendre aucun risque, vous dites à quelqu'un, mets-toi en auto-entrepreneur, et comme ça, tu seras payé à la tâche. En fait, c'est ça. Donc, je te paye quand j'ai besoin de toi. Donc, je fais en sorte que tu t'adaptes complètement à la volonté de l'entreprise. Donc, ça indique quoi ? Ça indique pour moi que les entreprises ne sont pas aussi sûres de la reprise, comme l'affirme depuis le début Bruno Le Maire en disant la reprise va être solide, etc. Même si là, elle vient d'être perturbée, elle va être perturbée probablement par Omicron, par le variant Omicron. Mais là, on se rend compte que même avant ça, la plupart des entreprises ne sont pas si sûres que ça. Et comme elles ne sont pas sûres, elles ne proposent pas des CDI, elles ne proposent même pas des CDD. Elles vont encore plus loin en demandant aux gens de se mettre en auto-entrepreneur. Et la réalité, c'est ça, c'est que la majorité des gens qui sont en auto-entrepreneur sont dans des secteurs qui ont recours beaucoup à des volets de flexibilité, alors même qu'il y a une hiérarchie souvent, puisqu'elles ont souvent recours à ces gens-là, une hiérarchie très forte entre le demandeur, c'est-à-dire l'entreprise, et ces gens-là. Mais bon, comme Macron a théorisé l'ubérisation de l'économie, je pense que c'est quelque chose qui est largement accepté. Maintenant, la bonne nouvelle pour Bruno Le Maire, c'est que quand vous passez de chômeur à auto-entrepreneur, vous sortez des chiffres du chômage. Donc quand vous avez un chiffre du chômage qui est plus faible, vous avez de l'autre côté des créations d'entreprises qui indiquent une forme de dynamisme. Mais derrière, il y a une lame de fond pour moi qui pourrait signifier une forme de précarisation des salariés qui, au lieu d'être salariés en CDI et d'être protégés, deviennent des auto-entrepreneurs d'eux-mêmes, qui n'ont pas de congés payés, etc. et qui bossent en fonction des besoins des entreprises, donc à la tâche. Voilà. Et justement, t'en parlais, quelles sont les rémunérations des auto-entrepreneurs justement ? Mais les rémunérations, quand on regarde les chiffres, déjà on voit qu'il y a à peu près 2/3 qui déclarent un chiffre d'affaires positif, 2/3. Les autres, rien. Sur les 2/3, quand on regarde le salaire moyen, on est légèrement au-dessus du SMIC. Donc on roule pas sur l'or. C'est pour ça que cet auto-entrepreneuriat, il faut vraiment voir l'envers du décor. L'envers du décor, c'est des salaires très faibles. C'est pas une solution viable comme le fait de trouver un CDI qui permet aux gens de se projeter dans l'avenir. L'auto-entrepreneuriat, voilà, c'est le dernier volet de flexibilité où on paye les gens à la tâche. Au final, voilà, il y a 2/3 seulement qui ont un chiffre d'affaires. C'est un peu plus du SMIC. Donc, c'est pas une solution viable pour les travailleurs. Alors, je sais que pendant très longtemps, on a dit que c'était de l'esprit d'entreprise, etc. Macron avait même dit, il y a des gens qui ne trouvent pas un emploi, mais qui trouvent des clients. Bon, très bien. Mais de là à en faire une solution viable à long terme pour ces gens-là, je ne crois pas. C'est une situation compliquée avec une pression fiscale forte. Parce que c'est eux qui payent la fiscalité que souvent les grandes entreprises arrivent à échapper. Par exemple, Uber a une pression fiscale beaucoup plus faible que les gens qui l'emploient. Et puis, donc c'est une situation extrêmement, extrêmement, on va dire, négative pour le travailleur. Faut vraiment le rappeler. C'est vraiment la dernière solution qu'on a quand on n'arrive pas à trouver un emploi. Donc moi, je pense que le gouvernement ferait mieux de se focaliser sur les créations d'emplois et de regarder ce qui se passe sur les CDI, qui sont les emplois où vous êtes protégés sur le long terme, plutôt que de se féliciter de la création d'auto-entrepreneurs. T'en parlais justement, l'ubérisation de l'économie avait été théorisée par Macron. Quel bilan peut-on faire de cette aventure 5 ans après ? En fait, il faut toujours rappeler que l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui est très fort dans les pays en développement. Dans les pays en développement, vous avez de 30 à 50% des gens qui sont des auto-entrepreneurs. C'est ça, les pays en développement. Et dans les pays très pauvres, comme le Bangladesh ou certains pays africains, vous avez 70% de la population qui est auto-entrepreneur. En fait, ce sont des gens qui vivent dans des économies qui n'arrivent pas à leur fournir des emplois parce qu'il n'y a pas des industries développées comme chez nous. Et donc, c'est des gens qui s'inventent eux-mêmes des petits emplois. Alors, vous allez dans un pays pauvre, vous avez plein de gens vous avez des gens qui vont garder des places de parking, des gens qui vont faire la queue pour vous devant des ministères, des gens qui vont porter votre parapluie. Voilà, c'est des auto-entrepreneurs et qui vont avoir, en échange de ça, un petit salaire. Donc, c'est vraiment des emplois faute de mieux. Et c'est ce qui se passe de plus en plus chez nous. Alors que l'économie française, à la base, il faut vraiment le rappeler, 50% des salariés travaillent dans des entreprises de plus de 250 salariés. Et 30% d'entre eux, de ces 50%, travaillent dans des entreprises de plus de 5000 salariés. Donc, on est loin de la Startup Nation, en réalité. Donc, le fait de baser, en fait, une économie sur l'ubérisation de l'économie et sur la création des auto-entrepreneurs, en fait, c'est rejoindre, en réalité, dans la structure de l'entrepreneuriat, ce qui se passe dans les pays en développement. Il faut pas confondre les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que l'ubérisation de l'économie, c'était la Startup Nation. Mais la Startup Nation aux États-Unis, il y a eu des investissements publics massifs. qui ont permis des innovations publiques, comme le GPS, Internet, etc., qui ont ensuite été repris par des entrepreneurs. Donc il y a eu un réel état entrepreneur pour créer des innovations qui a été repris par des grands entrepreneurs qui ont fait les smartphones, etc. Donc en France, il ne faut pas penser que l'auto-entrepreneuriat arrivera à la Startup Nation. Si Macron veut une Startup Nation, eh ben, il faut qu'il y ait en amont des investissements d'État très forts pour permettre des innovations. Et donc là, on est presque dans un processus industriel et pas dans un processus d'auto-entrepreneuriat individuel comme ça, un peu sauvage, qui va se débrouiller de lui-même. En réalité, l'auto-entrepreneuriat, comme on le vit aujourd'hui, c'est un peu le capitalisme Far West, quoi, western, que l'on voit dans les pays en développement. Donc, et je pense que Macron en revient, parce que Macron n'entend plus parler trop d'ubérisation de l'économie et de Startup Nation maintenant. Il parle plutôt des territoires, il parle plutôt de plans de relance. Donc, il en est revenu. C'était un concept, en fait, marketing qui a permis à certains de trouver ça bien. Notamment, on a vu beaucoup d'éditos de la presse un peu économique disant que c'était génial. Mais en réalité, si on regarde les chiffres, il n'y a jamais eu, on va dire, d'innovation et de process industriel intéressant via l'entrepreneuriat individuel. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la nouvelle. La grande gauche a gagné les élections présidentielles au Chili contre l'extrême droite. Gabriel Boric, 35 ans, était à la tête d'une alliance allant du Parti communiste au centre-gauche et l'a remporté à 56% des voix dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 décembre. Thomas, qu'est-ce que tu penses donc de cette victoire ? Mais je suis très content parce que, en fait, dans cette victoire, c'est quand même un pays particulier, le Chili. C'est un pays, en fait, qui a expérimenté, qui a été un laboratoire de toutes les politiques libérales. C'est Milton Friedman, hein, avec Pinochet, qui ont mis en place un libéralisme très très fort dans ce pays-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des pays qui est le plus inégalitaire, hein, dans les pays de l'OCDE. Voilà le résultat des politiques libérales. Et qu'on ait un président de gauche qui a fait campagne sur l'État-providence, sur le service public, ça fait plaisir que celui-là arrive à gagner. En face, on avait quelqu'un d'autre qui était très libéral, raciste, hein, comme c'est le cas de Trump, de Bolsonaro et de d'autres gens qui veulent l'imiter en France. Hein. Là, on avait quelqu'un sur une base de l'État-providence, des services publics, qui arrive à gagner avec un tel engouement, ça fait toujours plaisir. Voilà, et c'est ça qu'on doit retenir, je pense, en France. Justement, en France, hein, beaucoup se sont empressés de faire des parallèles avec notre pays, ou alors qui ont repris espoir, hein, dans la gauche. Toi, quelle leçon penses-tu qu'on pourrait tirer ici sur notre élection présidentielle ? Alors, la leçon qu'il faut tirer, je pense, c'est qu'il faut que la gauche reprenne des thèmes vraiment de gauche d'un point de vue économique. C'est-à-dire que la gauche devrait parler de l'État-providence, des services publics, de l'éducation, de la petite enfance, des retraites, des minima sociaux, d'un État stratège, etc. Des thèmes vraiment de gauche, et il faut qu'elle le fasse de manière crédible. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne croient plus en ce que dit la gauche, parce que la gauche a beaucoup menti d'un point de vue économique. François Hollande, il a dit « mon ennemi, c'est la finance ». Il n'a jamais donné autant d'importance à la finance, notamment avec le CICE, hein, puisque le CICE a fini beaucoup chez les actionnaires. Il a dit « je ne baisserai pas les dotations aux collectivités locales ». Deux ans après, il les a baissées. Il a fait un programme beaucoup plus à droite dans la deuxième partie de son quinquennat que M. Sarkozy. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un de gauche vous dit « moi, je vais faire ça, tel changement, tel changement, tel changement », plus personne ne pense qu'ils sont crédibles. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils n'ont rien changé sur l'économie et ils ont souvent compensé cette faiblesse-là par du sociétal. Or, les deux doivent être aussi importants l'un que l'autre. Le sociétal est très important, mais l'économie est extrêmement important. Parce que souvent, l'économique, quand vous ne le gérez pas, se charge en fait du sociétal. Vous pouvez nous parler d'égalité homme-femme, si vous passez une loi travail, vous tapez les femmes. Vous voyez, quand vous mettez des moyens en moins sur les transports, notamment les transports d'Île-de-France, vous tapez les gens les plus pauvres, qui sont des gens plutôt d'origine étrangère. Donc, vous voyez, l'économique se charge en fait du sociétal. Aujourd'hui, vous avez des écoles aux États-Unis où vous n'avez que des gens afro-américains et de l'autre que des gens blancs, alors qu'il n'y a plus de ségrégation. C'est l'économique qui a fait en fait que dans les quartiers pauvres, vous n'avez que des Afro-Américains et dans d'autres quartiers riches, vous n'avez que des gens à peau blanche. Donc l'économique se chargera des questions sociétales quoi qu'il arrive. Donc il faut régler cette question économique. Et pour ça, il faut avoir un programme très crédible. Donc moi, je pense que la gauche aujourd'hui, plutôt que de parler de ce qui se passe à 20 000 kilomètres, de faire des incantations humanistes qui sont rassurantes et qui font du bien dans le discours délétère actuel que l'on a, mais qui ne changeront pas la vie des gens qui sont ici et qui souffrent, elle ferait mieux de réinvestir le champ de l'État et de la question des services publics. Je fais une petite parenthèse aussi pour dire que là, ce qui va se passer au Chili, il va falloir que, et je l'espère, une grosse partie de la France et de la gauche française soutienne le nouveau président, parce que ça va être très difficile. Vous savez, quand vous avez un système libéral qui s'est installé, dès que vous arrivez avec des réformes de gauche, vous avez les cours en bourse qui baissent, c'est déjà le cas. Bah, les cours en bourse s'inquiètent, donc ça baisse. À partir du moment où la bourse baisse, bah, ça se répercute souvent sur les entreprises qui disent « Ouh là là, on a très peur, donc on ne va pas employer », et ainsi de suite. Donc il va falloir tenir bon. Parce que quand vous êtes un pays communiste, comme c'était le cas à l'époque en URSS, que vous passez du communisme au capitalisme, là, c'est très dur pour les populations. Je veux dire, il y a eu une décennie très très dure dans ces pays-là, où des gens ont été très pauvres. Mais vous n'avez pas de problème avec la bourse, vous n'avez pas de problème avec des financements, les banques vous prêtent de l'argent, parce que c'est des réformes qui vont, on va dire, du bon côté des choses pour le capital financier. Ça part d'une société étatique à une société libérale. Quand c'est l'inverse, quand vous avez une société libérale qui est là et que vous faites marche arrière pour avoir un état-providence, des retraites publiques, etc., c'est ce qu'il va faire. Ben là, vous avez le capital qui est très fâché et qui attaque. Donc il va falloir tenir bon. Voilà, il va falloir faire pression sur tout le monde pour qu'il y ait des financements, etc., pour que l'économie continue à fonctionner normalement. Et aujourd'hui, même si demain, pour faire le parallèle avec la France, vous avez des gens de gauche qui arrivent au pouvoir, il y aura des perturbations dans un premier temps parce que le capital va se dire « Ouh là là, les bourses vont s'inquiéter, etc., etc. » Mais il va falloir tenir bon parce que c'est obligatoire. On sera obligé de passer par cette phase, on va dire, un petit peu de perturbation. On va aller voir se confronter avec l'Europe. On va aller devoir faire un certain nombre de réformes qui ne profitent pas au modèle libéral et au capitalisme financier. Et qui va se faire ressentir par des cours d'action qui baissent, mais tout ça est provisoire. Voilà. Donc j'espère moi que la gauche française et même la gauche mondiale soutiendra le Chili dans ses réformes pour un meilleur modèle social, parce que in fine c'est les populations qui profitent de ça. Le samedi 18 décembre, c'était la journée internationale des migrants. On a décidé d'y revenir aujourd'hui avec Thomas. Ce mot qui cache 280 millions de personnes dans le monde est ballotté, réutilisé et fait sans cesse objet de récupérations politiques monstres aux mensonges et drames exorbitants. Il est bon, en période présidentielle qui plus est, de se poser et faire un point afin de chasser les idées reçues. Thomas, le fantasme de l'invasion des migrants est souvent agité par les politiques du centre jusqu'à l'extrême droite. On se souvient que Stephen Smith, dans son livre « La ruée vers l'Europe », avait avancé le chiffre que l'Europe serait peuplée à 25% d'immigrés subsahariens. Que penses-tu, toi, de cette prévision ? Alors déjà, il faut rappeler que cette prévision, elle a eu un écho majeur chez beaucoup de politiques, allant du centre, Macron, qui a félicité quand même ce livre, Manuel Valls, allant jusqu'à l'extrême droite, Marine Le Pen. Donc il faut vraiment se rappeler, on va dire, la peur qui est à l'intérieur de ces politiques, de se dire qu'en 2050, il risque d'y avoir 25% de l'Europe qui soit peuplée de personnes d'origine africaine. Parce qu'en fait, la peur, elle vient de là. Si on vous dit que l'Europe est peuplée de 25% d'Américains ou 25% d'autres, on vous dirait qu'il n'y a pas de souci. Mais là, comme ça vient d'Afrique, il y avait une peur. Mais il faut rappeler que cette prévision... Alors déjà, qui est M. Stephen Smith ? Bon, c'est un essayiste. Ce n'est pas un chercheur. Ce n'est pas un universitaire. Donc il a fait des prévisions comme ça de coin de table, il sort un grand chiffre, tout le monde applaudit, sans qu'il y ait un débat sur la manière dont ont été faites ces prévisions. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont repris ce qu'il avait fait comme prévision et qui ont refait des prévisions beaucoup plus sérieuses. Il y a M. Errand, qui est professeur au Collège de France, qui a refait la même prévision dans une revue académique, donc corrigée par des pairs, ce qui n'est pas le cas de lui. Il lui fait une prévision, personne ne corrige, il la sort dans un livre et tout le monde applaudit. Quand vous faites ça dans une revue académique, vous avez quand même des pairs qui regardent vos prévisions. Ça ne veut pas dire que c'est juste à 100%, mais vous avez quand même, une validation supplémentaire. Et M. Errand a fait cette prévision, et lui, il arrive en 2050 avec une prévision 5 fois plus faible que celle de M. Smith. Il dit qu'en 2050, il y aura 4% de la population. 4%, on passe de 25 à 4%. Vous vous rendez compte ? 4% de la population européenne qui sera d'origine... africaine. Il arrive à ça. Donc on est loin de l'invasion entre guillemets prônée, et donc ça alimente toutes les théories du grand remplacement, de monsieur Smith. Et en fait, pourquoi il arrive à ces 4%? Parce qu'il y a une chose que tout le monde connaît, quand on analyse un petit peu les flux migratoires, c'est que les migrations se font principalement dans les pays pauvres. Vous savez, quand un Africain, il immigre, peut-être que dans sa tête, son rêve, c'est d'aller en Europe parce qu'il y a plus d'emplois, l'économie est plus solide, etc. Mais là, dans la majorité des cas, il immigre dans un autre pays africain. Donc 70% de l'immigration se fait dans d'autres pays africains. C'est la réalité des faits. Et M. Smith ne tient pas compte de cette réalité. Donc vous voyez, moi je pense que ce qui a été révélateur avec ce livre, qui n'est pas d'un grand chercheur, qui a une prévision catastrophiste, c'est qu'on a vu en fait que pour beaucoup de gens, la question de l'immigration, en fait, c'est une question africaine uniquement. Et que l'immigration est un problème quand elle est africaine. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Et c'est ça que cette prévision, en fait, a montré. Et que des gens du centre la félicitent comme des gens de l'extrême droite, veut dire que dans les esprits, il y a clairement une convergence, en fait, de pensée sur le fait que ce soit un problème. Vous voyez ? Et la réalité des faits, c'est que ce livre a eu plein de prix, prix géopolitiques, etc. Plein de prix, vous voyez ? Alors même que toutes les études scientifiques montraient que ce chiffre était faux. Donc ça révèle quand même un état d'esprit un peu particulier chez nous. Hein. Et aujourd'hui, c'est quoi du coup les causes de l'immigration ? Il y a deux causes en fait. Il y a la première, c'est les guerres. Ça, c'est plus aléatoire, même s'il y a beaucoup de conflits dans le monde, mais c'est quand même plus aléatoire que l'autre question, qui est une question économique, qui est là un vrai problème structurel. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de jeunes dans le monde qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, d'un point de vue économique, hein, dans leur pays. Et donc, ils sont contraints à fuir pour aller chercher un emploi. Et c'est pour ça que parfois, ils fuient juste dans des pays à côté où il y a un peu plus de possibilités. Même en Europe, hein, les jeunes qui ont dû quitter leur pays, ce sont que des jeunes qui étaient dans des pays qui ont eu des contraintes économiques fortes. Par exemple, là, les plus grandes migrations, au début, venaient de l'Europe de l'Est, des pays plus pauvres qui ont migré vers l'Europe de l'Ouest. Puis récemment, c'est surtout les jeunes Grecs. Comme les jeunes Grecs voient qu'il y a très peu de débouchés en termes économiques dans leur pays, notamment avec tout ce qui a été imposé par la Troïka en Grèce, hein, il y a beaucoup de jeunes Grecs qui ont fui en Europe de l'Ouest. Alors même quand vous les interrogiez, ils vous disaient qu'eux, ils veulent avoir un avenir dans leur pays, qu'ils adorent leur pays, mais qu'il n'y a pas d'emploi. Et donc, ils vont être contraints de migrer dans d'autres pays. Et bien, ce qui se passe aujourd'hui, à une plus petite échelle en Europe, se passe en fait en réalité partout dans le monde. Vous avez, par exemple en Afrique, énormément de pays où la jeunesse n'arrive pas à trouver un emploi. Pourquoi elle n'arrive pas à trouver un emploi ? Tout simplement parce que ces pays n'ont pas d'industrie pour les employer. D'accord ? Et pourquoi ils n'ont pas d'industrie ? Parce que vous savez, quand vous êtes en France, que vous voulez, je sais pas moi, relancer l'industrie, vous faites un plan de relance à 30 milliards comme Macron. Pourquoi il peut les faire Macron, les 30 milliards comme ça ? Parce qu'on est la France, un pays riche, on appelle les banques, on emprunte de l'argent, et les banques nous prêtent de l'argent, on peut investir dans l'industrie. Quand vous êtes un pays africain, que vous demandez à emprunter de l'argent pour créer une industrie et donc créer des emplois, on vous raccroche au nez. On ne vous prête pas d'argent. Comme on ne vous prête pas d'argent, bah vous vous retournez vers ce qu'on appelle le prêteur de dernier recours, qui est le FMI. Le FMI veut vous prêter de l'argent, mais il vous le prête en échange d'un certain nombre de réformes imposées, comme c'était le cas en Grèce. Et une des premières réformes imposées, c'est de se spécialiser dans les biens à l'export. Donc dans des biens qui profiteront à d'autres pays. Les biens à l'export, c'est pétrole, matières premières. D'accord ? Et en plus de donner ces matières premières à des entreprises privées. Or, quand vous êtes un pays pauvre, que vous n'avez pas d'entreprise privée, quelle entreprise privée va exporter votre pétrole ? C'est des entreprises multinationales étrangères. Donc, vous vous concentrez sur un bien à l'export qui profitera à d'autres pays, qui sera exploité par des sociétés privées que vous n'avez pas, qui viennent d'autres pays. Donc, qui ramènent leurs employés. Total ramène... Donc, comment vous voulez créer des emplois pour la jeunesse de ces pays-là ? Donc, aujourd'hui, les contraintes économiques empêchent un certain nombre de jeunes africains d'envisager un avenir parce que leur économie ne crée pas d'emploi. Elle ne crée pas d'emploi parce qu'il y a des contraintes économiques, je ne parle même pas du franc CFA qui sont d'autres contraintes aussi importantes, mais il y a des contraintes économiques qui les empêchent de créer ces industries-là. Donc si un jour on veut régler ce problème des migrations, parce que les migrations se font tout le temps dans la douleur, il ne faut jamais l'oublier, même quand elles se font, on va dire, de manière légale, elles se font dans la douleur. C'est-à-dire que quand vous êtes obligé de quitter votre famille pour aller travailler à 2000 km, comme c'est le cas des jeunes Grecs, ou même comme ça peut être le cas parfois de certains travailleurs africains, c'est un problème, c'est triste, parce que vous vivez sans votre famille, etc. Ça crée toujours de... Donc pour qu'aujourd'hui, on puisse garantir un avenir à cette jeunesse africaine, il faut absolument changer le modèle économique de ces pays pauvres. Et c'est ça, en fait, que nous révèlent aujourd'hui tous les drames que l'on voit de la Méditerranée, en fait. Je veux dire, c'est pas moi qui l'avais dit, hein, c'était un député italien, Jean-Léonard Touadi, qui avait dit une fois, suite à un drame à Lampedusa, qu'il avait dit, en fait, vous savez, dans tous ces drames, on ferme les yeux sur notre modèle économique, sur l'échange inégal qu'il y a avec les pays pauvres et qui fait qu'en fait, aujourd'hui, bah, ces gens sont forcés à fuir. Donc, tant qu'on n'ouvrira pas les yeux sur ce modèle-là, bah, on ne réglera pas la question de l'immigration, enfin de ce qui pousse ces jeunes à migrer vers d'autres pays. Comment tu expliques aujourd'hui que la question de l'immigration soit aussi inquiétante en fait, pour une partie de la population ? Bah, la première chose, c'est la perception de l'immigration. Enfin, c'est ce quand on interroge les gens, on regarde l'immigration telle qu'elle est, le sol migratoire, ça, c'est pas l'explosion qu'on nous dit. C'est faux. Ça a légèrement augmenté, mais c'est pas l'explosion qu'on nous dit. Mais la perception de l'immigration, elle est souvent 3 à 4 fois plus élevée que ce qu'est l'immigration réelle. Pourquoi ? Parce que la France a changé. La France a changé. Vous avez aujourd'hui des Français qui ont des origines étrangères. Mais ils sont Français. Mais pour beaucoup de gens, dans la perception, ils ne sont pas Français. Donc beaucoup de partis d'extrême droite jouent avec cette confusion en disant voilà, pour eux, être français, c'est être blanc. Alors qu'on peut être français et ne pas être blanc. C'est ça la réalité des faits. Donc il y a ce problème de perception. Mais après, il y a des sondages qui montraient que la question de l'immigration est plus liée à une question économique. Et là, je reviens là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a 7 Français sur 10 qui disent qu'ils pensent que la France n'a plus les moyens d'accueillir des immigrés. Donc c'est une question de moyens. Ce n'est pas une question de racisme crasse, quoi, comme il y en a encore une partie, mais qui n'est pas que ça. Une grosse partie, ils se disent, bon, ok, mais on n'a plus les moyens. Et comment peut arriver ce sentiment, en fait, de se dire, moi, ça ne me dérange pas particulièrement, je vis dans un endroit où je ne vois pas forcément une forte immigration, mais j'estime que la France n'a plus les moyens, donc je fais partie de ces 7 gens sur 10 qui l'estiment. Comment on arrive à ça? C'est très simple, en fait. Quand ça fait des années que vous avez une modération salariale, parce que ça profite aux actionnaires. Quand ça fait des années, vous avez eu des crises successives, crise de 2008, et vous avez 1,5 million de chômeurs en plus. Quand ça fait des années qu'on supprime des lits, 70 000 lits en moins à l'hôpital, qu'on supprime des services publics, des maternités, etc., dans les régions et dans les territoires, que vous demandez une place en crèche, qu'on vous dit qu'il n'y a pas de place, que vous demandez un HLM, on vous dit qu'il n'y en a plus, que vous prenez un rendez-vous avec le médecin, vous attendez un an. Dans ces conditions-là, c'est très difficile de vous dire « Ah bah oui, on a la capacité financière, mais il ne faut pas se tromper d'ennemi. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. » Ce n'est pas les immigrés qui ont supprimé 70 000 lits à l'hôpital. Ce n'est pas les immigrés qui ont fait qu'il y a de la modération salariale. Ce n'est pas les immigrés qui ont fait qu'il y a eu 1,5 million de chômeurs en plus après la crise de 2008. C'est le capitalisme financier qui a fait tout ça. Et donc, en réalité, le combat que devraient mener ces gens qui ont l'impression voilà, qu'il y a de moins en moins de moyens autour d'eux, c'est un combat sur le modèle économique. Et aujourd'hui, les gens de gauche ne devraient parler que de ça, comme d'ailleurs le leader au Chili. Hein. Ils ne devraient parler que de ça. Ils ne devraient pas parler, comme l'a fait Valls ou comme l'a fait Montebourg, de ces questions en allant sur le registre de l'extrême droite. Ils devraient recentrer le débat là où il faut le recentrer. Parce qu'aujourd'hui, la casse du service public, ce n'est pas les immigrés qui l'ont causé, c'est nos décideurs qui sont soumis à une idéologie libérale. Merci Thomas. Merci. Avant de conclure ce dernier épisode de l'Instant Porché de l'année 2021, je vous rappelle donc que le Média est dans sa campagne de dons de fin d'année qui conditionne sa survie. Nous avons besoin de vous, notre audience, pour assurer une information indépendante, sans pub ni actionnaire. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Merci à vous. On attend vos partages, vos petits pouces en l'air sous la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cet Instant Porché pour toujours mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Je vous souhaite de très belles fêtes. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine en 2022. Quatre ans, cela va bientôt faire 4 ans que le Média existe, grâce à vous, grâce à votre enthousiasme. 4 ans que nous suivons les mouvements sociaux et documentons les luttes contre la Macronie pour la justice sociale et climatique. 4 ans que nous enquêtons sur l'évasion fiscale, sur les violences policières ou encore sur les scandales en France-Afrique. Le 1er mai dernier, nous sommes devenus la première société coopérative audiovisuelle de France. Porté par environ 8000 sociaux, plus de 12000 donateurs et 600000 abonnés sur YouTube, nous sommes toujours là. Nous sommes là et nous avons de nouveaux projets, de nouvelles ambitions pour les prochains mois. Depuis septembre, nous vous proposons une nouvelle émission, la contre-matinale, une quotidienne alternative diffusée en audio et en vidéo du lundi au vendredi. Nous vous y donnons la parole à travers la rubrique « La Minute Citoyenne ». J'aurais voulu commenter la phrase de M. Blanquer de la semaine dernière. Pour moi, l'un des gros problèmes en Guadeloupe, c'est quand même l'absence de responsabilité de l'État. Les 208 salariés sont dehors, voilà, fermeture de cycle. Le combat, on ne le lâche pas et on est là justement aujourd'hui pour ça. Nous recevons des syndicalistes, celles et ceux qui luttent pour un monde plus juste. Face aux médias, des puissants avides de buzz et de polémiques. Face à la dérive droitière des médias audiovisuels mainstream qui participent à un narratif complaisant favorisant la fascisation de notre société. Nous avons donné la parole à des femmes et des hommes dont l'opinion est marginalisée, à des analystes engagés au service du progrès social, à des travailleuses et travailleurs subissant avec violence l'ordre néolibéral, à des citoyennes et citoyens subissant dans leur esprit et leur chair l'ordre autoritaire en marche. Nous avions promis, nous l'avons fait grâce à votre soutien. Vous nous avez permis de lancer la contre-matinale du Média, un moment dont l'objectif est de raconter autrement la présidentielle qui vient. En janvier, nous voulons accélérer. Nous voulons héberger, au siège du Média, un véritable quartier général de campagne. Un QG dans lequel vous retrouverez les journalistes et les chroniqueurs que vous connaissez déjà, mais que rejoindront, si vous nous en donnez les moyens, les talents dont nous avons besoin pour raconter cette séquence de notre vie politique nationale de manière radicalement alternative. Une campagne électorale coûte cher. Elle coûte cher aux politiques, mais aussi aux médias qui la couvrent. Donnez-nous les moyens de continuer de raconter autrement les échéances qui viennent. Offrez-vous une autre vision médiatique de notre quotidien. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis, les usines ont fermé, tout va très bien pour lui. Les pauvres petits sous de ses contribuables servent ses grands projets urgents, indispensables, des lampadaires, un golf qu'il va inaugurer. Je suis très satisfait, mes chers administrés, satisfait car il vit de grands maux et d'embrouilles. La mairie et sa mare, il en est la grenouille. Sûr de faire la pluie et le beau temps local, il s'agite beaucoup au fond de son bocal. Il parade et se gonfle au milieu de la place, trouve un mot pour chacun, promesse ou bien menace. De chacun il connaît les failles et les secrets, tient un jour son courrier, ses fichiers, ses dossiers. Il brandit le drapeau ou bien le linge sale, dans ses urnes truquées toutes les voix se valent. Il manie en malin les pressions, les faveurs, tout est bon pour tenir en main les électeurs. Votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire, il aura une bourse. Merci, monsieur le maire, c'était automatique, votre fils y avait droit. Le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes. Il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet, le pouvoir, le méprise et en joue. Il est l'élu du peuple et c'est tant pis pour vous. Chaque 11 novembre, novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffe et tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Le 12 octobre 2021, le président de la République, Emmanuel Macron, décidait seul, sans débat parlementaire, de faire du nucléaire l'énergie des 50 prochaines années. Ce choix est très critiqué et inquiète associations, experts et même la Cour des comptes. L'influence des lobbies du nucléaire n'a jamais été aussi grande. Il s'appuie pour cela sur des relais au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les médias et à l'Élysée. Le seul groupe parlementaire à avoir résisté et à s'opposer au choix du nucléaire est la France Insoumise. Nous avons rencontré Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne et présidente du groupe LFI. Elle est reconnue comme une militante en faveur de la sortie du nucléaire et elle dénonce l'action des lobbies. Nous lui posons la question de la présence des lobbies pro-nucléaires à l'Assemblée. La France est le pays le plus nucléarisé au monde en termes de nombre de réacteurs et de nombre d'habitants. Le nucléaire en France, c'est un dogme d'État. Nous avons un lobby qui n'est pas seulement EDF, Orano anciennement Areva, mais qui est infiltré dans l'État lui-même. Et d'ailleurs, rappelez-vous toujours que Emmanuel Macron a choisi comme Premier ministre Édouard Philippe, qui était directeur des affaires publiques chez Areva, maintenant Orano. Donc nous avons un président de la République qui est le lobby nucléaire à lui tout seul. Nous lui avons soumis les quatre arguments avancés par les lobbies du nucléaire pour défendre leur business. Premier argument, à l'instar du PDG d'EDF, les lobbies affirment que le nucléaire serait une énergie propre qui respecte le climat. Le nucléaire produit des déchets dont on ne sait que faire. Là, pour l'instant, on les envoie en Sibérie. La nouvelle idée, c'est de les enfouir sous terre, à Bure, avec beaucoup d'opposition et beaucoup de répression. Et c'est des déchets qui vont être actifs pendant encore 100 000 ans, qui vont pouvoir polluer éventuellement les sols, qui vont pouvoir polluer les eaux, et dont on ne sait pas comment on va prévenir les générations futures que ces déchets sont là. Deuxième argument, les lobbyistes expliquent également que le nucléaire est une énergie sûre. On a 40 millions de Français qui vivent proche d'une centrale nucléaire. Ça veut dire que l'ensemble de la population française est sous un risque nucléaire. Et ce n'est pas nous, la France Insoumise, qui disons cela. C'est les trois derniers présidents de l'autorité de sûreté nucléaire qui ont dit qu'un accident était possible en France. Vous avez la centrale de Nogent, qui est en amont de la capitale. S'il y a un problème à la centrale de Nogent, c'est 12 millions de personnes qu'il faut déplacer. Ce n'est pas vrai que nous sommes prêts à faire cela. Troisième argument, le nucléaire assurerait la souveraineté nationale et l'indépendance énergétique de la France. Il y a un mythe sur le nucléaire de l'indépendance énergétique. L'uranium ne vient pas de France. L'uranium vient du Niger. Il vient du Kazakhstan, donc non, le nucléaire ne permet pas une indépendance énergétique française. Quatrième argument, l'énergie nucléaire serait, comme le prétend EDF, une énergie plus compétitive et moins chère. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire est plus chère que les énergies renouvelables. D'autant plus que nous devons mettre 100 à 150 milliards d'euros pour ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire le grand rafistolage des centrales pour continuer leur durée de vie. Donc aujourd'hui, les énergies renouvelables sont moins chères et ce qu'il faut décider, c'est est-ce que ces 100 à 150 milliards, on le met pour continuer coûte que coûte une énergie qui est dangereuse, qui produit des déchets dont on ne sait que faire, qui est dangereuse pour les salariés et qui coûte plus cher, ou est-ce qu'on investit cet argent justement

Il y va sans doute de notre dignité aussi de parlementaire dans cette affaire. Nous n'avons pas d'autre recours compte tenu de ce qu'a été le débat en commission et compte tenu de ce qu'est le comportement général des membres du gouvernement à l'égard de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, pour vous obliger peut-être à présenter pour la première fois un plan qui soit vraiment un plan global et non pas des mesures de coercition enrobées de bavardage sur ceux qui ont le droit de manger du pop-corn ou pas au cinéma ou qui doivent boire leur café debout ou assis. Nous sommes exaspérés par cette incapacité à prévoir, à organiser à l'avance et cette manie de tout faire au dernier moment dans la cohue et la précipitation comme celle que nous voyons sans cesse, nonobstant l'ironie dont vous nous avez accablé tant de fois. Je me souviens comment, ayant annoncé qu'il y aurait une deuxième vague, moi qui ne suis pas virologue et qui compte sur les proches bancs de mon groupe d'autres médecins que je suis capable de solliciter, eh bien je savais qu'il y aurait une deuxième vague et peut-être même une troisième. Mais vous, vous avez préféré vous moquer et dire que nous étions des médecins cubains. Il y a eu une deuxième vague, vous n'avez rien vu arriver. Il y a eu une troisième vague, vous n'avez rien vu arriver. Et quand la quatrième arrive, et que c'est celle de Micron, vous commencez par dire qu'on s'en est mieux sorti que tout le monde. Vous avez semé un chaos indescriptible du fait de votre imprévoyance. En Martinique, en allant jusqu'au point d'envoyer à l'hôpital des charges de police contre ceux qui ne sont pas vaccinés. En Guadeloupe, en mettant 48 heures pour envoyer le GIGN et des renforts de gendarmerie, et 5 semaines pour envoyer des bouteilles d'oxygène. Le chaos, la pagaille, partout, ce n'est pas une manière de combattre une crise dans une crise sanitaire. Lorsqu'on envoie 60 pages de consignes aux enseignants, la veille du jour de la rentrée, en ne leur laissant aucun délai, aucune possibilité de faire ce qu'il est nécessaire de faire lorsque viennent des consignes, c'est-à-dire se les approprier, y réfléchir, le cas échéant les améliorer ou les amender. La crise sanitaire est une crise qui se réglera par l'intelligence collective, par l'implication et la participation du plus grand nombre aux solutions qui permettent d'en sortir. C'est dès le mois de novembre qu'a été signalée l'apparition du variant Omicron. Mais c'est le 27 décembre que vous réunissez le Conseil des ministres et que la commission parlementaire est réunie entre Noël et Nouvel An pour discuter d'un texte dont on finit par se demander au juste à quoi il sert, sinon à augmenter les restrictions de liberté qui partout s'observent. Nous étions contre le pass sanitaire parce qu'il était une illusion. Le vaccin n'a jamais empêché que les personnes vaccinées puissent être à leur tour contaminées et contaminer les autres. Mais du moins, y avait-il les tests auxquels on pouvait recourir? Vous avez décidé que dorénavant les tests seraient payants par ceux-là même qui devraient le plus y recourir, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix de ne pas se vacciner, ce qui n'est pas mon cas. Tant et si bien qu'à la fin, nous voici dans le résultat suivant. Les tests servent à contrôler si le vaccin a fonctionné ou pas. C'est le monde à l'envers, le chaos, la pagaille. Et des dizaines de gens sont dorénavant habilités à contrôler l'identité du tout venant qui va boire un coup au bistrot, qui va dans un restaurant, qui veut entrer dans un théâtre ou ailleurs. Tout ça est insupportable. Tout cela pour ramener à une chose et unique, vous avez choisi comme seule réplique le vaccin. Personne parmi nous ne dit que le vaccin est inutile. Personne parmi nous ne fait autre chose que de dire qu'il est soi-même vacciné et nous notons l'hypocrisie qui est la vôtre lorsque vous nous accusez, alors même que vous refusez qu'il y ait la liberté des licences sur les vaccins pour que la planète entière puisse se vacciner. Parce que tant qu'il n'y a pas de licence sur les vaccins, le virus continuera à faire des variants. C'est donc une contradiction totale que de faire l'apologie des vaccins et d'en refuser l'accès à des milliards d'êtres humains par pure cupidité et volonté de satisfaire le Big Pharma. Nous étions donc contre ce pass sanitaire. Nous voici contre le pass vaccinal parce qu'il est 100% inefficace. 100% inefficace. 91% de la population éligible est vaccinée. Et vous en faites un titre de gloire. Admettons, mais à quoi ça sert? Si tout aussitôt, il y a 500 000 contaminations par jour, selon M. Véran, dans la nouvelle variante du virus. Autrement dit, la preuve est apportée que ce vaccin est une raquette trouée. Nous ne lui en voulons pas. Du moins, fonctionne-t-il comme une raquette pour une part. Mais pour ce qui est du trou, quelle est la réponse? Il n'y en a pas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dont je n'oublierai jamais qu'à l'origine de toute cette crise, elle recommandait qu'on teste, qu'on teste et qu'on teste encore. Et que vous, monsieur le ministre, depuis votre banc, vous refusiez de nous répondre quand nous vous disions « Mais alors pourquoi ne teste-t-on pas en France ?» Et vous nous répondiez « Ça ne sert à rien », comme vous l'aviez fait pour le masque. Lorsque l'Organisation mondiale de la santé dit que les vaccins sont efficaces à 60% contre les contaminations sur le virus initial, ce qui en laisse 40% contaminables directement, elle affirme que 40% seulement le sont sur le variant Delta et encore moins sur le variant Omicron. Ce qui signifie que le pass vaccinal ne peut être qu'un événement, le vaccin, qu'un élément d'une stratégie globale. Ce qui compte, c'est tout le reste. Au fond, mes chers collègues, que voyons-nous une fois de plus? L'illustration d'un principe philosophique. Qui est responsable du chômage? Les chômeurs. Qui est responsable de la pauvreté? Les pauvres. Qui est responsable de la maladie? Le malade. Et voilà pourquoi la réponse est, si vous n'êtes pas vacciné, alors vous n'avez droit à rien. Regardez dans quel monde nous sommes en train d'entrer. Vous avez comme moi, c'est votre passage à la salle des quatre colonnes, collègues. Quelles sont les questions qu'on nous pose? On nous demande si les personnes qui ne se sont pas vaccinées auront le droit d'être soignées, notamment s'ils vont aux urgences et notamment s'ils doivent être mis en réanimation. Quel est ce monde? C'est ce monde où l'on affirme que les devoirs sont supérieurs aux droits et même préalables, c'est-à-dire la négation de tout ce qu'est la pensée progressiste de notre époque et même la pensée républicaine. Les seuls devoirs que nous ayons est de respecter les droits des autres et le droit à la liberté ne se négocie pas, même si parfois il nous contrarie. S'il avait été décidé que le vaccin était obligatoire, alors ce serait une autre discussion. Mais nulle part il n'a été décidé que le vaccin soit obligatoire. Et pour une raison qui tient à la santé publique, telle que cela a été annoncé par l'Organisation mondiale de la santé, dont vous me permettrez, chers collègues, de penser que peut-être elle a des capacités supérieures à nous pour évaluer une crise sanitaire. Et quand cette organisation vous dit qu'il ne faut pas rendre obligatoire parce qu'il faut convaincre plutôt que contraindre, alors si les gens ne sont pas convaincus, on s'en prend aux pas convaincants et pas aux pas convaincus. Voilà quelle est la situation. Après tout cela, vous ne vous rendez même plus compte, semble-t-il. Vous ne vous rendez même plus compte. J'ai connu une société, je ne suis pas le seul dans cet hémicycle, où les contrôles d'identité étaient l'exception. Et encore fallait-il que dans les deux tiers de la surface du territoire de la patrie, il y ait une injonction du juge pour pouvoir faire de tels contrôles. Seules quelques zones étaient habilitées à un contrôle sans alerte. Dorénavant et depuis 1986, de crise terroriste en crise sanitaire, voici que les contrôles sont partout, par délégation des officiers de police judiciaire, sur n'importe quel policier. Et voici maintenant les gens qui servent dans les bars et les restaurants qui vont contrôler l'identité. Mais dans quel monde allons-nous vivre à la fin? Tout le monde va contrôler tout le monde. Ça, c'est une société totalitaire, une société autoritaire. Voilà ce que c'est. La liberté, ne croyez pas que vous aurez plus de sûreté sanitaire parce que vous aurez moins de liberté. Les restrictions de liberté ont toujours été l'illusion de ceux qui croient à l'efficacité du tout, tout de suite et sans discussion. La liberté est la meilleure des protections. La liberté est la meilleure incitation à l'intelligence collective. Et tout cela, progressivement, ça n'a pas l'air de vous atteindre. Ah oui, vous pouvez hurler contre moi. Ça n'a aucune chance de m'intimider si peu que ce soit. Mais que répondez-vous à la défendeur la défenseure des droits quand elle dit qu'on peut s'interroger sur le droit d'octroyer à des entreprises publiques et privées sous une forme de pouvoir de police, assurant elle-même les contrôles de la détention d'un pass sanitaire. Allez-vous lui crier à elle aussi, à bas Mélenchon ? La Commission nationale informatique et liberté vous a demandé 7 fois de justifier par des résultats concrets les examens de toutes sortes auxquels vous procédez. Quand l'avez-vous fait ? Une seule fois ? Jamais. Quand l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il vaut mieux convaincre que contraindre, montrez-nous quels moyens vous avez mis pour convaincre, à part contraindre, parce que c'est tout ce que vous savez faire dans cette situation. Et si c'est tout ce que vous savez faire, alors vous ne savez rien faire, et la preuve en est donnée par les résultats désastreux dans lesquels nous vivons. Alors, maintenant, ça va de mal en pis. Nous voilà à l'école, une nouvelle fois, avec des pages et des pages de règlements absurdes et inapplicables. Vous vous adressez à ceux qui, dans ce pays, ont le plus l'habitude non seulement de réfléchir, mais d'inviter les plus jeunes esprits à réfléchir. Et vous leur demandez d'obéir, simplement. Ça fait des mois qu'on vous dit que s'il y avait des purificateurs d'air, la situation serait plus saine et plus stable dans les classes. Ça fait des mois qu'on vous dit... Vous avez renvoyé la responsabilité sur les communes ou les régions et vous semblez oublier que c'est l'État qui est l'employeur des enseignants et que par conséquent c'est à l'employeur d'assumer la sécurité des agents qu'il met au travail et à personne d'autre qu'à lui. De la même manière, nous vous demandons, et on a répété sur tous les tons, qu'un masque FFP2 soit distribué aux enseignants parce que certes c'est très inconfortable et je peux en témoigner. Mais c'est une protection qui réduit par 100 la possibilité d'être contaminé en dessous de 1%, par 100 donc la possibilité d'être contaminé même après une heure de contact avec quelqu'un qui est malade. La même chose depuis le début. Le déni, Monsieur Blanquer a commencé à dire, l'école n'est pas le nid du virus, avant de dire la contamination reste limitée en milieu scolaire, avant de dire on se contamine moins à l'école qu'ailleurs, avant de dire on ne peut pas dire qu'il y a une explosion des contaminations à l'école en 2021, alors comment se fait-il qu'on observe exactement le contraire dans toutes les écoles de France et de Navarre et que la désorganisation est à son comble ce matin, comme vous le savez tous par les rapports qui vous sont faits, quels que soient vos bancs, dans vos circonscriptions. Il n'y avait rien d'autre à faire que de s'attaquer d'une manière radicale à la racine des problèmes. Commençons par dire que les vues de longue durée seraient d'interdire ce qui est la cause principale des zoonoses d'où résultent les épidémies, c'est-à-dire l'interdiction des élevages de concentration qui ne sont plus des élevages mais qui sont des usines. Faire cesser l'importation de déforestation par les produits que nous importons, sachant que les épidémies ont augmenté de plus 3 fois en 15 ans et qu'en ce moment même nous sommes en train d'abattre 600 000 volailles pour lutter contre la grippe aviaire parce qu'une fois de plus, personne n'avait rien prévu à part de tout tuer quand on est en situation extrême. Mesure radicale, c'est-à-dire d'abord en réorganisant massivement la production des masques FFP2 dont la production s'est effondrée de 90% pendant l'année précédente, alors que ces masques sont obligatoires en Italie, en Autriche ou en Bavière. La production chez nous s'est effondrée. Enfin, vous devez proclamer le moratoire sur les fermetures de lits d'hôpitaux parce qu'il s'en est supprimé 17 000 et qu'à la racine de la crise, il y a ces fermetures incessantes de lits d'hôpitaux et les restrictions de personnel qui s'en vont. Tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est de mettre une date à partir de laquelle vous expulsez les soignants qui ne seraient pas vaccinés, aggravant la crise générale de l'organisation de l'hôpital. Vous vous êtes trompé sur tout, les tests, les masques, les jauges, les vaccins, les vagues. Au fond, au bord de l'abîme, vous n'avez qu'un mot d'ordre, faisons un grand pas. Complicité dans la débile, la méquette dans la mafia, un coup de sourdine, de succombine, et ta vie ton radar. Tandis toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'est qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des filles et forts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle, elle aime ça. Vaut mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pour riche, et te v'la riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie de la mafia, se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes, c'est la bohème, et la mafia, elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue Seine, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muchons en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup comme si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, avec des X. Ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Une petite revue de presse? Eh ben allons-y. Épinal, vidéoprotection, 21 caméras supplémentaires déployées. Alors, sur la photo, on voit la caméra en question, et puis juste au-dessus, on voit l'angle d'une dalle qui est en béton, qui est noire, gris foncé, avec des fissures bien blanches. Hein, sur 50 cm de long, il y a 4 fissures. Oui, c'est pas contradictoire, c'est des choses là. Les fissures et les caméras, non. On modernise. Une chance de changer la fiscalité sur les multinationales. L'influence des grandes sociétés sur la politique internationale pèse énormément et ce n'est pas bon pour nos démocraties. Vosges Matin, hein, toujours. Pouvoir d'achat. On ne vit plus, on survit. À vous, Libéra Villemain. Alors, il y en a un qui a barré « à vous » et puis qui a mis « déclare » à la place. Hein? On ne vit plus, on survit. On ne vit plus, on survit. Vous vous rendez compte? C'est ça la France? Eh ben, la France. Yannick Antoine, président de l'URCA, jette l'éponge. C'est à Remiremont. Le président de l'Union des commerçants jette l'éponge, il trouve que y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui avance. Commerçant, c'est de moins en moins facile. Il y a de plus en plus de chômeurs, de plus en plus de bas salaires, de moins en moins de pouvoir d'achat. Alors quand les gens ils ont pas de pouvoir d'achat, ils achètent pas. Et voilà. Et tous ceux qui ont voté pendant des générations pour la droite, ils se ramassent le manche du râteau dans le nez, c'est comme ça. Hein. C'est le juste retour des choses, dirait l'autre. Hein. Voilà, un hold-up sur les retraites. Ensuite, passe vaccinal. Alors, à 3 mois de la présidentielle, la lutte contre la pandémie et Omicron écrase tout autre sujet de campagne. Ça écrase... le chômage, hein? Et on n'en parle plus du chômage. 6 millions de chômeurs en France. 6 millions. 6 millions. Vous rendez compte? 1 Français sur 10 est au chômage. Alors, sur 10, c'est-à-dire tous âges confondus, hein, le bébé qui vient de naître, il compte déjà la statistique. la personne très âgée qui va bientôt disparaître, elle compte aussi dans la statistique. Donc, sur les 64 millions de Français, il y a 6 millions qui sont au chômage. Hein. Alors, les politiciens, les banquiers, etc., eh ben, ils peuvent être fiers d'eux. Ah oui, ils ont réussi quelque chose de magnifique. Ah oui, on se souviendra d'eux. Oui, ben un jour ils payeront, d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors, la vidéoprotection gagne du terrain dans les Vosges. Ben oui, il y a un peu plus de 10 ans, Rubiremont devenait l'une des premières communes des Vosges à adopter la vidéoprotection. Voilà, voilà. Alors, n'oublions pas que on n'arrête pas le progrès. En Chine, il y a des caméras à reconnaissance faciale qui permettent de, par exemple, on met ça dans un magasin, eh bien les gens ils rentrent dans le magasin, ils font leurs courses, et ils n'ont même pas besoin de ralentir en passant à la caisse, c'est payé. Eh oui, on les reconnaît, pas besoin de signer, pas besoin de présenter de carte, pas besoin de, etc. La présentation de leur visage devant les caméras, nombreuses dans le magasin, eh bien, fait que, voilà, on a repéré tous les produits achetés, on fait le total, et puis on identifie le client, et on son compte, et on débite son compte, et puis voilà. Hein. Eh oui, ben, on pourra mettre des caméras à reconnaissance faciale partout. Moi, je parie que les commerciaux japonais qui viendront voir nos élus, hein, les saints et les anges et tous les élus, disait l'autre, eh bien, ils n'auront pas de mal de vendre ce genre de caméra. Mais non, ça se vendra tout seul. Et en plus, c'est nous qui payerons les caméras. La vidéoprotection n'est toujours pas à l'ordre du jour à Gérardmer. Tiens. Ah bon, la municipalité de Gérardmer préfère embaucher des policiers municipaux plutôt que d'investir dans la vidéoprotection. Voilà, on préfère investir dans des embauches, dit le maire de Gérardmer. Arrivé tardivement à Épinal, les caméras se multiplient. Eh ben, on verra ce qu'on verra. Enfin, non, on verra pas. On sera vu. Pas pareil. On est d'un côté du comptoir ou de l'autre côté. On n'est pas à la fois client et vendeur. Hein, c'est l'un ou l'autre. Dépakine, Sanofi responsable d'un manque de vigilance. Le tribunal judiciaire de Paris a estimé mercredi que Sanofi avait commis une faute en manquant à son obligation de vigilance et à son obligation d'information sur les risques de son médicament Dépakine pour le fœtus en cas de prise pendant la grossesse. Voilà, des choses extrêmement, extrêmement graves. Pourrait-on utiliser le terme de grave, de criminel, à la place de grave? Le valproate de sodium, alias la dépakine, est commercialisé depuis 1967. Alors voilà un mot miracle. Commercialisé. Commercialisé. Ah, ils savent commercialiser. Ils arrivent à tout commercialiser. Ils arrivent même à commercialiser des macrons. Nouveau nucléaire, un billet européen de 500 milliards. Le nucléaire fait actuellement l'objet de vifs débats entre les 27. Une dizaine de pays, France en tête, faisant la promotion active de l'atome face à des États très réticents, comme l'Allemagne ou l'Autriche. Pour Thierry Breton. Le commissaire européen au marché intérieur, cette énergie nucléaire est essentielle pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, fixé par l'Union européenne. Et il va falloir engager des investissements considérables. Dans son entretien au journal du dimanche, Thierry Breton estime ainsi que les centrales nucléaires existantes, à elles seules, nécessiteront 50 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2030. Et celle de nouvelle génération, 500 milliards d'ici à 2050. Voilà. Eh ben oui, hein. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais, hein. Eh oui, ben oui, il y a de quoi quand même, hein. Ah ben oui, il faut. Ben on peut. À droite, un fauteuil pour trois. Le passage ce dimanche de Guillaume Pelletier, ancien responsable des Républicains, dans le camp d'Éric Zemmour, illustre la lutte féroce engagée entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen pour arriver en tête de la droite et son extrême. Voilà. Eh oui, ben 6 millions de chômeurs, ça peut amener à une catastrophe mondiale. 6 millions de chômeurs en France. Mais sans oublier que des chômeurs, il y en a partout dans le monde, partout. Hein. Et oui, et ça peut faire pencher la balance du mauvais côté et de façon très, très tragique. L'entretien hivernal des lignes à haute tension par les drones, une première nationale. Ça, c'est pas bête. Eh oui, mettre des renforts sur les lignes, qui risquent de s'abîmer à cause du vent, eh bien, les drones, ils sont très efficaces pour faire ce genre de choses. L'Égypte envoûte les graffeurs de l'école de street art. Alors, c'est à Remiremont. Alors, les graffeurs, et puis street art. Alors, il y en a un qui a ajouté au crayon à côté « Une Französische, bitte schön ». Une Französische. À Saint-Dié, l'ancienne SDMA entrevoit un nouvel avenir. Ramonchamp, les friches industrielles de Ramonchamp renaissent. Alors comment peut-on faire renaître des friches? Hein? On fait renaître des ruines. Ah oui, tiens. La résurrection, quoi. Hein? Les friches industrielles ont longtemps été laissées à l'abandon avant d'être réhabilitées. Nous voulons avoir une surface nette au sol et dépolluée pour permettre à des entreprises ou particuliers de s'installer. Des artisans qui souhaitent s'agrandir nous ont déjà contactés, assure André Demange. Alors, autre titre, Keep in It Vintage. Les vêtements se vendent au kilo. Keep it vintage. Faut dire ça à Zemmour. Eh oui, lui qui aime pas les étrangers. Si on lui dit keep it vintage, il va être fâché. Il va dire, et le français, qu'est-ce que vous en faites du français? Il va dire Zemmour. Eh oui, alors, il va se fâcher. Hein? Mais oui. Il défend le français, lui aussi, sans doute, peut-être. Voilà, alors donc la gauche française, elle va mal la gauche française. Ben oui, mais c'est, voilà, hein, c'est normal. L'union de la gauche existe déjà. Mylène Dune, conseillère en insertion, 46 ans, Villefranche-sur-Saône, Rhône, et militante LFI. La France insoumise. L'union de la gauche existe déjà, c'est l'union populaire, construite autour de Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà rassemblé plusieurs partis, et des députés d'autres formations, comme le PCF. Voilà. Plus de 300 000, c'est le nombre d'inscrits à la primaire populaire à ce jour. Eh ben, on verra ce que ça donne. Hein? Voilà. Ensuite, des meetings LFI avec hologramme et masque FFP2. En tête de la gauche dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon accélère le rythme de sa campagne et rejette l'idée d'une candidature unique en se revendiquant comme la seule alternative aux candidats de droite et à Emmanuel Macron. « Je n'irai pas à cette primaire », a répété le candidat de la France insoumise lundi sur France Inter. « Les propositions d'union, je les ai faites il y a 2 ans. On m'a répondu non. Ce ne serait pas sérieux et tout. Recommencer à zéro à moins de 100 jours de l'élection. » Ouais, voilà. Ah ben il est ferme, il sait ce qu'il veut. Et à nous de savoir aussi ce que l'on veut. Eh oui, c'est pas tout d'avoir un parti, une organisation, une union des unions populaires et avec un programme qu'on peut se procurer pour 3 euros, hein, et un programme très complet, hein. Et puis, bon, voter autrement, faudra pas venir se plaindre, hein. Ah oui, alors là, ceux qui pleurnicheront, hein, eh ben on se moquera d'eux, hein, tout simplement. Enfin, on leur tournera les talons, pour ne plus les voir, pour ne plus les fréquenter. Remiremont, des bavoirs et des lingettes offerts aux nouveaux parents. Alors, pour relancer la nativité. Pour relancer la nativité, c'est moi qui l'ajoute, hein. Point de suspension. Et le chômage, point d'interrogation. Eh oui, si on relance la nativité, on va fabriquer des chômeurs. Des chômeurs. Il y aura de plus en plus de chômeurs. Dans ce beau pays du chômage, il y aura de plus en plus de chômeurs, de plus en plus de misère. Alors, les politiques, les banquiers, les sénateurs, les députés, les maires, les conseillers de ceci, etc., les commerçants de machin, tout ça, voilà, faut quand même les tenir pour responsables de ce qui se passe. Hein. Suicide de détenus à Bar-le-Duc, deux magistrats pourraient être jugés. Pour ce dossier de suicide à la maison d'arrêt de Bar-le-Duc, les qualifications retenues sont, entre guillemets, faux en écriture publique ou authentique et atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique. Ce que je vais faire, le 12 juin 2015, Éric Agé, embastillé à Bar-le-Duc depuis septembre 2014, se faisait, sitôt le procès terminé, une joie de sortir. Il était 13h quand son avocat lui a annoncé la bonne nouvelle. Une demi-heure après, le détenu, qui devait fêter ses 50 ans 3 jours plus tard, déchantait. Le greffier lui a indiqué qu'il était maintenu en détention. Vers 13h40, le prisonnier a appelé sa mère. « Je suis passé à 11h, voilà seulement que je sors. » Normalement, mon avocat m'avait dit que je sortais cet après-midi, car il n'y avait pas de maintien en détention, et là... Je viens d'apprendre qu'il y en a un. Que vas-tu faire ? Questionne la mère du détenu. Rien. Ce que je vais faire, je vais me pendre. Voilà. 10 minutes plus tard, Éric Agé est retrouvé pendu avec ses lacets dans sa cellule numéro 206. Alors, bravo l'administration pénitentiaire, bravo la justice. Covid-19, la note salée de la vaccination. Ouais. Bon, la note salée de la vaccination. Hein? Ouais. No comment, dirait l'autre, hein? Qui avait un dictionnaire anglais à portée de la main. Jean-Luc Mélenchon, 2022, c'est la dernière station avant le désert. Réfléchissez bien. Je propose un programme politique pour changer notre pays de fond en comble. Lui redonner la puissance morale, intellectuelle, scientifique, culturelle. C'est la puissance dans laquelle la France peut exceller. 2022. Ouais, eh ben on y est. En 2022, c'est le moment de prendre une décision. Depuis 2017, chaque jour ferme une école publique, en particulier dans le monde rural. 7900 postes d'enseignants ont été supprimés dans le second degré. C'est l'équivalent de 175 collèges disparus. La voie professionnelle a été démantelée, progressivement remplacée par le tout apprentissage. Le diplôme national du baccalauréat a été transformé en examen local dont la valeur dépend désormais de la réputation du lycée dans lequel il est passé. Parcoursup a introduit la sélection à l'université, le tri entre les bacheliers. Si cette politique libérale et inégalitaire, où l'un de ses avatars proposés par la droite était poursuivi pendant 5 ans de plus, nous connaîtrions bientôt, comme aujourd'hui à l'hôpital, l'effondrement du service public d'éducation. L'effondrement du service public d'éducation. 600 acteurs de l'éducation, enseignants, professeurs et parents, appel à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, tiens, les salaires, les revenus. Président de la République et Premier ministre, 15 203 euros bruts par mois. Ministre, 9 940 euros bruts par mois. Secrétaire d'État, 9 430 euros bruts par mois. Conseiller ministériel, 8 725 euros bruts par mois. Député et sénateur, 7 240 euros bruts par mois. Et je ne parle pas des primes choses qui s'ajoutent. Voilà. Alors, si vous êtes salarié, si vous êtes chômeur, si vous êtes retraité, si vous êtes électeur, etc., eh ben, il faut tenir compte des chiffres, hein.